Chapitre 24e, les cris d'épouvante. Cet acte était le dernier chanté. Maintenant venait le ballet. Le ballet dans lequel les sœurs Jantes avaient un joli rôle. À l'entracte, qui précédait le ballet, les trois amis qui avaient annoncé leur présence par un envoi de fleurs et de bonbons se rendirent au foyer de la danse pour dire bonsoir à leurs charmantes amies. Paulin Broquet les suivit jusqu'à la porte des coulisses et les laissa aller sans plus s'occuper d'eux. Il revint dans la salle et se mit en quête de la comtesse Varsovia. Il avait signalé sa présence à ses lieutenants, les chargeant de la surveiller, mais malgré leur attention, la comtesse avait glissé entre leurs doigts. On ne la revit plus au théâtre. « Encore une, » dit la morse, « qui a la peau d'anguille. » Paulin Broquet était fort mécontent de tout cela, car il se faisait une joie de passer une soirée très tranquillement et toute consacrée à la musique, dont il était passionné. Il espérait, pour un soir, ne pas être détective, et voici que malgré lui, le collier de misère pesait à son cou, que les événements l'entraînaient et qu'il ne pouvait, sous peine de se trahir lui-même, ne pas faire acte de policier. Tous ceux à qui il avait affaire, tous ses ennemis, étaient là. La comtesse Varsovia s'était éclipsée, mais les autres restaient. La belle Pepa d'Ortega resplendissait dans sa loge, au milieu de ses courtisans, entre son frère Don Isigo et son adorateur passionné, le Périgourdin, baron de la Roucoulière. Dans la baignoire, se serrant l'un contre l'autre, et très amoureux, le colonel de Fongrive et Madame Garitza. Paulin Broquet pensait au mystère, au secret, au drame que représentaient tous ces personnages. Il lui fallait en outre surveiller maintenant non pas les deux capitaines, mais le jeune chef de cabinet, Simonet, dont les allures lui inspiraient la plus grande anxiété. Le détective, avec le public qui entrait dans la salle, regagna sa place. Il vit les trois amis rejoindre leur fauteuil. Montgomery, toujours calme, impassible, promenait ses yeux tranquilles et indifférents sur la salle. La Rochardie, lui, rayonnait. Il s'était ce soir montré homérique. Il avait sans doute dormi, mais il n'avait pas ronflé. C'était admirable, et maintenant que le ballet allait commencer, il ne devait plus ni ronfler ni dormir. Simonet tournait toujours son regard vers la loge de la merveilleuse Pepa, sans s'apercevoir que le baron de la Roucoulière le fusillait des yeux et mentalement l'embrochait avec la botte secrète, le coup infaillible de la Roucoulière. Il cueillait délicieusement le sourire qui, entre deux coups d'éventail, lui envoyait la comtesse. Paulin Broquet ne perdait rien de tout ce manège. Il vit, au moment où l'orchestre allait commencer, le maigre baron, demeuré jusqu'à la dernière minute, dragon vigilant autour de la beauté qui lui était si chère, rejoindre sa place, presque derrière les trois amis. Pour y atteindre, il dut déranger plusieurs spectateurs, parmi lesquels le gentleman américain dont Paulin Broquet entendit, au hasard de ses pérégrinations dans les couloirs, prononcer le nom Will Wilson par le banquier James Benamol. Ce gentleman, en se levant, montra à Paulin Broquet, s'y connaissant, sa stature d'athlète admirablement taillée, souple, qui sous son apparence d'élégance devait être d'une force herculéenne. Le baron de la Roucoulière, passant devant lui, offrait le plus grand contraste avec celui qu'il dérangeait. Quand il fut passé, Will Wilson, tout en se rasseyant, tourna d'un mouvement machinal la tête du côté où se trouvait Paulin Broquet. Le détective tressaillit, car cet homme, en le regardant, avait dans les yeux cette lueur verte qu'ont les fauves et qu'il avait, lui. Très anxieux, Paulin Broquet se dit « Il est là, lui, Zigomar. Et je viens de voir là-haut, sous les cheveux noirs, derrière la moustache brune du marquis argentin, Zigomar en la personne de Don Isigo Martolo. » Mais l'orchestre joua, la toile se leva et le ballet commença. Selon l'habitude, maintenant la nuit était à peu près complète dans la salle, pour que la lumière fût toute concentrée sur la scène. Les yeux de Paulin Broquet, qui pouvaient percer les ténèbres, avaient peine cependant, dans cette pénombre, entre tant de corps, de têtes, à porter le regard jusqu'au rang où les trois amis se trouvaient devant le baron de la Roucoulière et Will Wilson. Dans le public, en haut du théâtre, les applaudissements éclatèrent. Voici que dans un rayon électrique qui les faisait paraître plus jolis, les sœurs Jantes venaient d'entrer, légères, souriantes, sur le bout de leurs pieds. Elles évoluèrent, délicieusement gracieuses. Tout en dansant, elles purent apercevoir au premier rang leurs trois amis et leur adressèrent un clignement d'yeux et un sourire. Au cours de la figure qu'elles exécutaient, l'une des sœurs remonta, l'autre descendit à l'avant-scène. Là, les pieds en équerre, le jarret tendu, tenant par le bout des doigts sa jupe de gaze, elle attendait la mesure de l'orchestre qui lui dirait de partir. Tout près ainsi, elle regardait, avant de s'élancer, les trois amis. La mesure résonna. La danseuse prit son élan pour s'élancer, mais tout à coup, elle recula effrayée, poussa un grand cri, cacha son visage dans ses mains et tomba à terre évanouie. L'émoi fut grand dans le public. On se dressa, on chercha à savoir ce qui se passait. Les machinistes, les danseuses, les figurants accoururent en scène pour relever la danseuse. Sa sœur se précipita à son secours, poussant de grands cris déchirants, et la toile se baissa sur ce triste tableau. On redonna de la lumière dans la salle, mais alors deux cris d'épouvante retentirent. La Rochardie et le capitaine de Montgomery, affolés, s'écrièrent « Simonet, assassiné, mort !» En effet, renversé sur son fauteuil, la tête penchée en arrière, Simonet gisait, le plastron de sa chemise tout rougi de sang et le manche d'un poignard dépassant de son épaule gauche. Il eut un moment d'effroi, de terreur, une bousculade, un sauf-qui-peut général. Cependant, une voix s'éleva, dominant tout ce bruit, qui cria « Garde, fermez les portes, ne laissez personne sortir de l'opéra !» Un coup de sifflet, d'une modulation spéciale, retentit. Paulin Broquet donnait des ordres et signifia à ses hommes ce qu'ils avaient à faire. Lui-même se précipita, bousculant les uns et les autres, passant, sautant par-dessus les fauteuils. Et quand il arriva au rang des trois amis, le gentleman américain, Will Wilson, avait disparu. Seul le baron de la Roucoulière se trouvait là, ne comprenant rien à ce qui se passait. Il regardait avec ahurissement son adversaire, son rival heureux, celui qu'il espérait tuer d'un coup de sabote secrète, qui, plein de sang, roulait dans son fauteuil. Paulin Broquet dit aux deux amis « Aidez-moi, facilitez-moi le passage !» Il s'empara du corps de Simonet et l'emporta au milieu de l'affolement général. Il courut ainsi jusqu'au grand foyer. Les gardes républicains, les spectateurs de bonne volonté empêchèrent le public d'approcher. Les médecins de service, les docteurs qui se trouvaient dans la salle, vinrent offrir leur concours. Paulin Broquet avait étendu Simonet sur une des banquettes de velours rouge et avait ouvert son habit, déchiré sa chemise pour voir la qualité de la blessure. Comme il rejetait le revers de l'habit, il fut caressé par le parfum subtil et spécial de la femme blonde, le parfum blond, et une enveloppe de papier bulle très gonflée frappa ses regards, dépassant la poche de l'habit du blessé. Vivement, Paulin Broquet saisit l'enveloppe, la glissa dans la poche de son gilet à lui, sans que personne ait pu s'apercevoir de ce geste. Il livra ensuite Simonet aux soins des médecins, puis, se redressant, il dit à la Rochardie et à Montgomery « La blessure est sérieuse, très grave, mais je ne la crois pas mortelle. Restez auprès de votre ami, ne le quittez pas d'une seconde. » Lui alors, tout couvert du sang de la victime, s'éloigna. Il se réfugia dans une loge maintenant vide. En hâte, il ouvrit l'enveloppe. De cette enveloppe se dégagea comme d'un bouquet de fleurs mystérieuses, exquises, perfides, la senteur, le parfum blond, qu'il reconnut parmi les effluves grisants des fleurs les plus belles, les plus rares. Dans cette enveloppe parfumée se trouvaient des papiers, et ces papiers, Paulin Broquet les reconnut. C'étaient les documents secrets apportés par le courrier de cabinet anglais Evans, ceux dont on lui avait signalé l'arrivée, le matin même, à l'étranger. Remettant dans sa poche alors ces documents, Paulin Broquet se dit, pensant à Simonet, qui se mourrait peut-être là-haut, sur la banquette de velours, « Le misérable » ou « Le malheureux ».